Ézéchiel chapitre 48. Ce sont ici les noms des tribus, depuis le bout du côté qui regarde vers le septentrion, le long de la contrée du chemin d'Athlon, du quartier par lequel on entre en Hamat, jusqu'à Tsarénan, qui est la frontière de Damas, du côté qui regarde vers le septentrion, le long de la contrée de Hamat, tellement que ce bout est le canton de l'Orient et celui de l'Occident, il y aura une portion pour Dan. Et tout joignant les confins de Dan, depuis le canton de l'Orient, jusqu'au canton qui regarde vers l'Occident, il y aura une autre portion pour Azé. Et tout joignant les confins d'Azé, encore depuis le canton qui regarde vers l'Orient, jusqu'au canton qui regarde vers l'Occident, il y aura une autre portion pour Nephtali. Et tout joignant les confins de Nephtali, depuis le canton qui regarde vers l'Orient, jusqu'au canton qui regarde vers l'Occident, il y aura une autre portion pour Manassé. Et tout joignant les confins de Manassé, depuis le canton qui regarde vers l'Occident, jusqu'au canton qui regarde vers l'Orient, il y aura une autre portion pour Ephraïm. Et tout joignant les confins d'Ephraïm, encore depuis le canton de l'Orient, jusqu'au canton qui regarde vers l'Occident, il y aura une autre portion pour Ruban. Et tout joignant les confins de Ruban, depuis le canton de l'Orient, jusqu'au canton qui regarde vers l'Occident, il y aura une autre portion pour Juda. Et tout le long des confins de Juda, depuis le canton de l'Orient, jusqu'au canton qui regarde vers l'Occident, il y aura une portion que vous lèverez sur toute la masse du pays, comme en offrande élevée, laquelle aura 25 000 cannes de largeur, et de longueur autant que l'une des autres portions, depuis le canton qui regarde vers l'Orient, jusqu'au canton qui regarde vers l'Occident, tellement que le sanctuaire sera au milieu. La portion que vous lèverez pour l'Éternel, la lui présentant comme en offrande élevée, aura 25 000 cannes de longueur, et 10 000 de largeur. Et cette portion sainte sera pour ceux-ci, savoir, pour les sacrificateurs, et elle aura le long du côté, qui regarde vers le septentrion 25 000 cannes de longueur, et le long du côté qui regarde vers l'Occident 10 000 de largeur, et pareillement le long du côté qui regarde vers l'Orient, 10 000, puis le long du côté qui regarde vers le Midi, 25 000 cannes de longueur. Et le sanctuaire de l'Éternel sera au milieu. Elle sera pour les sacrificateurs, et quiconque aura été sanctifié d'entre les fils de Tsadok, qui ont fait ce que j'avais ordonné confie, et qui ne se sont point égarés, quand les enfants d'Israël se sont égarés, comme se sont égarés les autres Lévites. Ceux-là auront une portion ainsi levée sur l'autre qui aura été auparavant levée sur toute la masse du pays, comme étant une chose très sainte, et elle sera vers les confins de la portion des Lévites. Car la portion des Lévites sera tout joignant les confins de ce qui appartiendra au sacrificateur, et elle aura 25 000 cannes de longueur, et 10 000 de largeur, tellement que toute la longueur sera de 25 000 cannes, et la largeur de 10 000. Or ils n'en vendront rien, et aucun d'entre eux n'en échangera rien, ni ne transportera les prémices du pays, parce que c'est une chose sanctifiée à l'Éternel. Mais les 5 000 cannes qui restent dans la largeur, sur le devant des 25 000 cannes de longueur, est un lieu profane pour la ville, tant pour son assiette que pour ses faubourgs, et la ville sera au milieu. Et ce sont ici les mesures qu'aura l'assiette de la ville, du côté du septentrion, 4 500 cannes, et du côté du Midi, 4 500, et du côté de l'Orient, 4 500, et du côté tirant vers l'Occident, 4 500. Puis il y aura des faubourgs pour la ville, vers le septentrion, de 250 cannes, et vers le Midi, de 250, et vers l'Orient, de 250, et vers l'Occident, de 250. Quant à ce qui sera de reste en la longueur, et qui sera tout joignant la portion sanctifiée, et qui aura 10 000 cannes du côté tirant vers l'Orient, et 10 000 autres cannes du côté tirant vers l'Occident, auquel côté il sera aussi tout joignant la portion sanctifiée, le revenu qu'on en tirera, sera pour nourrir ceux qui feront le service qu'il faut dans la ville. Or ceux qui feront le service qu'il faut dans la ville, étant pris de toutes les tribus d'Israël, cultiveront ce pays-là. Vous lèverez donc sur toute la masse du pays, pour être une portion sainte présentée à l'Éternel comme en offrande élevée, toute cette portion qui sera de 25 000 cannes, répondant à 25 000 autres cannes, le tout pris en carré et en y comprenant la possession de la ville. puis ce qui restera sera pour le prince, tant au-delà de la portion sainte présentée à l'Éternel comme en offrande élevée, qu'au-deçà de la possession de la ville, le long des 25 000 cannes de la portion qui aura été levée sur toute la masse, jusqu'aux frontières qui regardent vers l'Orient, et ce qui sera tendant vers l'Occident, le long des autres 25 000 cannes. Jusqu'aux frontières qui regardent vers l'Occident, tout joignant les autres portions, sera pour le prince, et ainsi la portion sainte présentée à l'Éternel comme en offrande élevée, et le sanctuaire de la maison, seront au milieu de tout le pays. Ce qui sera donc pour le prince sera dans les entre-deux, depuis la possession des Lévites, et depuis la possession de la ville, ce qui sera entre ces possessions-là, et les confins de Juda, et les confins de Benjamin, sera pour le prince. Or ce qui sera de reste sera pour les autres tribus, depuis le canton de ceux qui regardent vers l'Orient, jusqu'au canton de ceux qui regardent vers l'Occident, il y aura une portion pour Benjamin. Puis tout joignant les confins de Benjamin, depuis le canton de ceux qui regardent vers l'Orient, jusqu'au canton de ceux qui regardent vers l'Occident, il y aura une autre portion pour Siméon. Puis tout joignant les confins de Siméon, depuis le canton de ceux qui regardent vers l'Orient, jusqu'au canton de ceux qui regardent vers l'Occident, il y aura une autre portion pour Issacar. Puis tout joignant les confins d'Issacar, depuis le canton de ceux qui regardent vers l'Orient, jusqu'au canton de ceux qui regardent vers l'Occident, il y aura une autre portion pour Zabulon. Puis tout joignant les confins de Zabulon, depuis le canton de ceux qui regardent vers l'Orient, jusqu'au canton de ceux qui regardent vers l'Occident, il y aura une autre portion pour Gad. Or ce qui appartient aux côtés du Midi, qui regarde proprement le vent d'Otan, est sur la frontière de Gad, et cette frontière sera depuis Tamar jusqu'aux eaux du débat de Kadès, le long du torrent jusqu'à la grande mer. C'est là le pays que vous partagerez par sort en héritage aux tribus d'Israël, et ce sont là leurs portions, dit le Seigneur, l'Éternel. Et ce sont ici les sorties de la ville, du côté du septentrion, il y aura 4 500 mesures. Puis, quant aux portes de la ville, qui seront nommées des noms des tribus d'Israël, il y aura 3 portes qui regarderont vers le septentrion, une appelée la porte de Ruban, une appelée la porte de Juda, et une appelée la porte de Lévi. Aux côtés de ceux qui regardent vers l'Orient, il y aura 4 500 cannes, et 3 portes, une appelée la porte de Joseph, une appelée la porte de Benjamin, et une appelée la porte de Dan. Et aux côtés de ceux qui regardent vers le Midi, il y aura 4 500 mesures, et 3 portes, une appelée la porte de Siméon, une appelée la porte d'Issacar, et une appelée la porte de Zabulon. Aux côtés de ceux qui regardent vers l'Occident, il y aura 4 500 cannes, auxquelles il y aura 3 portes, une appelée la porte de Gad, une appelée la porte d'Azé, et une appelée la porte de Nephtali. Ainsi le circuit de la ville sera de 18 000 cannes, et le nom de la ville depuis ce jour-là sera, l'Éternel est là.